Almas, Altes, DJ Tox, ADL, et puis les sur scène, Tueur d'élite, Gear, l'espoir fait vivre, Altes, Almas, c'est comme ça, l'espoir fait vivre, Baby Barrett, puis les sur scène. Il y a ce système qui ne fait aucun détail. Le soir quand il brûle, il est seul sous le champ des racailles. Il y a ce destin, ce père trop endetté pour manger à sa faim par son patron doit se faire traiter. Il y a les mecs du hall qui ne pensent qu'à leur poche. Ils rêvent tous de thunes et les études, beaucoup s'en décrochent. Il y a cette femme au foyer, obligée d'avoir trois tafs dans le mois pour pouvoir payer son loyer. Il y a ces gosses qui partout traînent dans la tête, n'ont même pas passé la barre des 18 piges que leur avenir est d'elle. Il y a ce député qui ne pense qu'à baiser des buts, oublie le taf qu'on lui a confié, c'est pas de ma faute si on le bute. La justice devrait perdre ses valeurs, y'a des violeurs en liberté, tous nos frères plantés au parquet. Et remarquez comment la vie c'est dur à la naissance. On serait jamais sorti d'une charte si on serait venu en reconnaissance. Cesse de parler, ces lyrics ne veulent rien dire. Moi j'ai le goût du risque et je vends des disques. Et toi tu me fais rire mec, guette la prochaine sortie, mon skeut dans les annales. Ok l'espoir fait vivre, mais seulement si t'as les balles. Et y'a ce putain de code pénal qui fait danser les pédales et qui fait mouiller les keufs jusqu'aux portes de Châtel et Halle. Et tu rigoles, mais ton destin est tout laid. Les cigognes se sont barrées depuis qu'on tire sur les poulets. L'espoir fait vivre et nous donne de l'émotion, nous éloigne des tensions dans le temps et sans contestation. L'espoir fait vivre et nous donne nos valeurs loin de nos douleurs, car l'espoir est sans couleur. Un monde sans espoir est comme un mage sans pouvoir. L'espoir nous rattache à la vie par toi-même, tu peux le voir. L'espoir fait vivre et vivre c'est l'espoir. Tu commences par une défaite et tu termines par une victoire. Sans que l'on se rende compte, le monde change de jour en jour, fulgurant et certain comme des chevaux qui accourent. Les histoires d'amour se font rares, ce n'est pas les feux de l'amour. Roméo et Juliette, c'est terminé pour toujours. Ce monde est difficile, est-ce que tu aperçois que le frigo ne se remplit pas en un claquement de doigts. Laisse la chance à ceux qui sont dans les ténèbres. Choisis la lumière et nous le contre extelle la couleur d'un zèbre. Car le mitard, c'est l'isolement carcéral où se trouve la solitude et le flingue le mental. Le trafic et la bicrave sont pour les âmes sans espoir, contrairement à ton cœur qui n'est pas dans le désespoir. La tristesse ressentie face au renoncement est mon châtiment. Souvent la rage et la haine sont nos sentiments. Les valeurs et la morale passent à la trappe. Sans espoir tu te sens assommé comme une masse qui te frappe. Mes rêves me portent vers des horizons nouveaux. Jusque là enfuis au fond de mon cerveau et remonte lentement tel un sous-marin qui émerge à la surface. Je garde espoir pour une vie meilleure, parole d'Almas. L'espoir fait vivre et nous donne de l'émotion, nous éloigne des tensions dans le temps et sans contestation. L'espoir fait vivre et nous donne nos valeurs loin de nos douleurs, car l'espoir est sans couleur. L'espoir fait vivre et nous donne de l'émotion, nous éloigne des tensions dans le temps et sans contestation. L'espoir fait vivre et nous donne nos valeurs loin de nos douleurs, car l'espoir est sans couleur.